écoutez Radio Campus Lille, il est midi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, bonjour, il est effectivement midi sur Radio Campus, 30 mai 2026. Et vous surfez sur les ondes de Radio Campus, 106,6 MHz, ou sur DAB+, ou encore sur campuslille.com, et vous vous préparez à écouter Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux d'attaque de la métropole lilloise. Attaque, faut-il le rappeler, A2TAC, l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, qui fête ses 27 ans. Attaque, une association d'éducation populaire altermondialiste. Et pour vous servir aujourd'hui autour de la table, René, Ludovic, Didier, Morgane et perso, Christian, je suis aux manettes. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? D'élections municipales et de leurs conséquences prévisibles sur les élections présidentielles. Si tant est qu'on puisse dire quelque chose, on va essayer d'en dire quelque chose. Notre invité, un habitué qui nous fait l'amitié de participer pour la troisième fois à l'émission Angle d'attaque, Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'université et politiste à la ville. Ça te va ? Très bien, bonjour à tous. Bonjour Rémi, merci d'être présent. Dis-nous tout de suite que tu produis un nouveau bouquin qui pourrait peut-être nous servir. J'ai terminé un gros bouquin qui va sortir à la rentrée, qui s'appelle « Faire partie autrement ?», point d'interrogation, Insoumis et Marcheurs 2016-2026. C'est un ouvrage sur les partis mouvements, les partis gazeux. Et donc je compare ce qui peut paraître assez improbable en première analyse, La République en marche et La France insoumise. Donc c'est un bouquin sur les organisations partisanes, la forme partisane, la crise de la forme partisane, le dépassement des partis par les mouvements et les problèmes que les mouvements posent à l'organisation de la vie militante et partisane. Voilà. Eh bien, ça va nous préoccuper effectivement dans l'émission, apparemment. Bien, Morgane, tu fais une introduction ? Oui. Donc je... Ah, je sais pas. Bon, vas-y. Pardon ? Non, vas-y, vas-y. L'introduction, c'est de dire que nous allons... C'est un peu ce que j'ai fait, mais tu avais quelque chose de plus drôle que tu ne veux plus dire. Très bien. Alors, je vais passer la parole à Ludovic. Oui, alors, on va d'abord commencer à aborder la place du maire, parce qu'effectivement, dans un article, dans l'excellente revue AOC, tu remets un peu en cause cette idée qu'il y aurait un blues du maire, finalement. Alors, certes, effectivement, il y a pas mal de démissions, mais tu laisses entendre que le maire a quand même joui encore d'une image assez favorable, et qu'il y a quand même pas mal de gens qui se bousculent au portillon pour devenir maire. Alors, est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus, sur cet engouement pour le rôle du maire et sa place dans le paysage politique? Oui, en fait, ce que je voulais dans cet article, c'était tordre le cou un peu à l'idée que il y a une crise des vocations pour le mandat de maire. Ça, c'est quelque chose qu'on entend énormément à chaque élection municipale depuis plusieurs élections scrutins. À chaque fois, voilà, on dit « Ah, il y a un problème, la démocratie locale est bien de plus en plus... les conditions d'exercice de la démocratie locales sont de plus en plus difficiles et il y aurait il y a des démissions, il y a des maires qui ne se représentent plus, etc. En fait, c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Et j'avais écrit cet article là alors que le nombre de listes n'était pas sorti, mais en fait il y a toujours autant de candidats aux élections municipales. Il y en a 900 000 depuis le chiffre est constant depuis trois élections municipales. On est à 900 000, c'est absolument énorme, hein. C'est 900 000, alors pour être près 900 000 candidats sur les listes, 50 000 listes, le nombre de listes n'a pas baissé. Donc c'est assez intéressant parce que c'est vrai que les conditions d'exercice du mandat de maire se sont dégradées, c'est incontestable. Le mandat de maire, c'est quand même un mandat assez exigeant, chronophage, assez mal indemnisé, notamment dans les petites communes. Et par ailleurs, c'est un mandat de plus en plus difficile parce que les dotations de l'État baissent, les exigences des citoyens augmentent et les maires n'ont pas forcément d'ailleurs d'ailleurs toujours les moyens de les satisfaire. Mais le paradoxe, c'est que contrairement à ce qu'on entend et contrairement à ce que des lobbies de maires défendent dans l'espace public, parce que c'est du lobbying en fait. Hein, l'idée de défendre les maires, c'est aussi il y a derrière des associations d'élus, le Sénat, etc., qui entretient en fait cette idée que c'est très difficile pour les maires, hein, parce qu'il y a un rapport de force avec l'État. Le mandat de maire est toujours aussi convoité. Et en fait, il faut le rappeler, en France, nous avons une monarchie présidentielle par le haut, mais nous avons 35 000 petites monarchies municipales. Les maires ont énormément de pouvoir en France. Ils continuent à en avoir beaucoup, même si intercommunalité, même si etc. Il y a un côté très... c'est le chef de tribu, le maire. Et ça continue à susciter énormément d'ambition. Et globalement, les maires, alors sauf peut-être dans les petites communes, alors c'est vrai, dans les petites communes, il peut y avoir parfois, mais pas tout le temps, c'est loin d'être la norme, des défections ou des difficultés à trouver des maires. Mais enfin, globalement, c'est là-dessus que je voulais attirer l'attention. Bon, voilà, ça reste un pilier de la profession politique, être maire. Hein, c'est le socle de la vie politique, c'est les maires, le socle de la vie partisane. D'ailleurs, c'est assez intéressant. La France Insoumise avait voulu échapper en fait à ça, mais en fait ne peut pas échapper. C'est pas possible pour un parti politique de ne pas jouer la carte du local avec toutes les conséquences que ça peut avoir. En effet, pourtant, tu avais quand même composé avec Didier, l'ami de Mazière. Oui. Les élus déclassés, quand oui. même. Alors, mais c'est pas forcément incompatible, effectivement. Dans cet ouvrage-là, je constatais que, effectivement, déjà, il y a une forme de dévaluation des mandats politiques, hein, incontestablement, lié à plein de phénomènes, des crédits qui pèsent sur la politique. Le fait que, par exemple, ça peut paraître un peu... on dit beaucoup, il y a beaucoup d'énarques qui sont députés, mais c'est pas vrai, en fait. Les énarques, ils préfèrent pas être députés. Ils préfèrent être fonctionnaires, ils préfèrent travailler dans le privé. Donc, en fait, chez les élites, chez les catégories supérieures, l'attractivité des fonctions politiques a décliné en lien avec le déclassement de la politique, de manière générale. Hein. On a beaucoup plus de pouvoir dans une entreprise que dans une administration. Par ailleurs, loin de moi l'idée de plaindre les élus, mais il y a tout un ensemble de... Ils ont moins d'avantages qu'avant, ils sont plus sous le contrôle des citoyens, ce qui est tout à fait légitime au demeurant. Ça peut paraître... Mon point de vue est nuancé. Il y a à la fois un déclassement des fonctions politiques, notamment les plus importantes, mais en même temps, elles restent convoitées. Voilà, c'est un peu... Ça peut paraître un contradictoire, mais c'est une situation un peu ambivalente. Une question de Didier avant de passer aux résultats nationaux, quoi, en fait. Ouais, il y a juste peut-être un petit bémol par rapport à ce que vous dites. Bon, il y a l'expression, la fameuse expression à portée de gifle, quoi, pas ouais. pour les maires. Et on a l'impression, en tout cas, les médias insistent sur la violence qui serait exercée sur les maires. Est-ce que d'après vous, elle est vraiment réelle ou est-ce que c'est un effet de loupe? Non, elle est incontestable, mais je le répète, hein, les conditions d'exercice du mandat se dégradent. C'est le maire avant, c'était un peu un notable, qui suscitait une forme de sentiment d'autorité. Voilà, on le respectait, etc. Aujourd'hui, c'est incontestable. Hein, les maires se font engueuler sur le marché. Les maires se font insulter. Bon, il y a quand même des agressions physiques qui sont incontestables. Je l'analyse comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, vous avez employé l'expression à portée d'engueulade. Il y a pratiquement plus aujourd'hui de figures d'autorité accessibles dans la société française et de figures aussi qui incarnent l'autorité. Aujourd'hui, dans les administrations, il y a des guichets numériques. Il y a plus l'instituteur n'est plus forcément une figure sur laquelle on va s'appuyer. Le médecin non plus. Du coup, on s'adresse au maire et le maire en fait est le réceptacle de toutes les colères, pas de toutes les colères, mais d'une partie des colères qui se tournent vers lui. Et comme en plus, il y a un problème chez les maires, c'est que les gens pensent qu'ils sont responsables de tout, en fait. Et les maires entretiennent d'ailleurs aussi très largement ce phénomène en se portant responsables de tous les problèmes. Souvenez-vous ce qu'on a vu pendant la campagne municipale. Aujourd'hui, maintenant, les maires s'occupent de sécurité. Hein, ils ont des polices municipales, alors que c'est pas du tout au départ leur prérogative. Hein. Les maires n'ont pas les moyens de faire respecter la sécurité. Du coup, comme ils accréditent, ils veulent et c'est eux hein, qui le font. Hein. C'est les attentes des citoyens, mais ils pourraient dire aux citoyens, non, la sécurité, c'est pas moi qui m'en occupe. Mais ils ont du mal à faire ça. Et du coup, concrètement, toutes les attentes sont tournées vers eux et ils ne peuvent pas les satisfaire. Donc là encore, c'est paradoxal. Le mandat est convoité alors qu'il est de plus en plus difficile. Hein. Être maire d'une commune de 3000 habitants, surtout quand on a une activité salariée, c'est l'enfer. Hein. Bon, d'ailleurs, au passage, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a 60% des maires qui sont retraités. Hein, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas possible d'être maire si on n'a pas un revenu stable et du temps. Et donc, ça, c'est quand même assez lamentable. Hein. C'est-à-dire que globalement, constater qu'il y a plus de 50% des maires qui sont retraités, bon, c'est sympa, c'est bien d'avoir des retraités actifs, mais. Ça, c'est, en termes de représentativité, c'est quand même pas terrible, quoi. Oui, moi, ça me revient un peu ce dont parlait Christian. L'anecdote que j'avais récupérée dans mon billet, en fait, c'était Pierre Desproges qui disait en substance que bah, les enfants croyaient au Père Noël et que les adultes allaient voter. Est-ce que, du coup, placer sa confiance dans le politique ou dans le maire, c'est un peu la version adulte de croire en Père Noël? Ouais, alors, ce qu'on peut dire, c'est que, parce qu'on en a pas encore parlé, c'est qu'il y a de moins en moins de citoyens qui croient au Père Noël au sens de croire aux élections. Hein. Il y a quand même, on a battu un record d'abstention. Hein. Enfin, c'est quand même sans doute l'enseignement le plus fort de ces élections municipales. Hein. Il y a eu... c'est le record d'abstention de toute l'histoire des élections municipales. Oui. Alors, si on met de côté l'épisode de Covid des élections de 2020, qui était très particulière. Et donc, il y a de plus en plus de citoyens qui ne s'intéressent pas du tout aux questions locales. Bon, il faut quand même le préciser, ce qui peut être assez compréhensible, parce qu'il y a quand même eu, dans 70% des communes en France au premier tour, il y avait qu'une liste. Hein, donc, s'intéresser à une élection municipale quand il y a pas vraiment d'alternative, il y a pas de choix. C'est pas un modèle de pluralisme hein, les élections municipales. Hein, et souvent c'est très très consensuel. Il y a pas beaucoup d'alternatives. Et donc d'un certain point de vue, les citoyens ne se déplacent pas aussi parce qu'ils ont l'impression qu'il y a rien qui se joue véritablement dans ces élections. Alors là, peut-être que je vais mémoriser là sur le coup, puisque effectivement, pour les élections, justement, alors, je veux dire que c'est pas complètement neutre ce que je vais dire, mais il se semble que à Roubaix, par exemple, ouais. et à Saint-Denis, ouais. La participation était plus importante. C'est-à-dire pas énormément, en fait. Ah non. Bah, si on regarde, par exemple, à Roubaix, elle a baissé de 10 points, mais elle est encore à 60% d'abstention. Donc, effectivement, alors ça c'est très clair, quand il y a un enjeu, pour une partie de la population, ça incite à aller voter. C'est très très clair. Hein. Attention, hein, je parle de l'abstention de manière générale, mais dans des villes où il y a des enjeux, où il y a de la conflictualité, effectivement, ça incite les milieux populaires à aller voter. Ça a été clair à Roubaix, à Saint-Denis, alors même si on a encore des niveaux d'abstention qui absolument colossaux. Mais attention, hein, ça a été vrai aussi dans d'autres villes. On a vu, par exemple, c'est à noter, hein, dans des villes comme Clermont-Ferrand ou Brest, au deuxième tour, une mobilisation massive de l'électorat d'extrême droite au deuxième tour, ou voire de la droite. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, une ville, par exemple, comme Brest, parce que j'ai pas mal de contacts là-bas, dans les bureaux de vote, ils ont vu arriver des gens de droite qui ne votaient plus du tout parce qu'ils pensaient que la ville était acquise à la gauche, qui sont allés voter pour faire battre la gauche dans la ville. Voilà. Donc, mais en tout cas, ce qui est incontestable, c'est que ces élections municipales traduisent, pendant longtemps, les élections municipales intéressaient plus les Français que d'autres élections, à part la présidentielle. Là, c'est plus vraiment le cas, en fait. Et c'est un peu embêtant. Ça devrait amener à un nombre de remise en cause du pouvoir local. Je suis pas sûr que ça soit, malheureusement, ce qui est en marche. En effet, alors, globalement, alors, c'est le résultat de ces élections municipales. Alors, c'est très compliqué d'analyser les élections municipales parce qu'il y a 35 000 communes, voilà. Mais et qu'en fait, genre, je ne devais pas me défausser, hein, mais il y a en plus 32 000 petites communes. Donc, en fait, les élections municipales, je sais pas, dans une petite commune de la Meuse, une petite commune de Corrèze, une à Roubaix, dans une à Nice, ça renvoie pas aux mêmes réalités. Alors, si on doit quand même donner une vue d'ensemble, c'est d'abord premièrement une très grande stabilité, c'est-à-dire qu'en gros 80% des maires ont été réélus, où il y a eu très peu d'alternance, et que globalement, il faut le dire, aujourd'hui, les forces politiques dominantes, c'est la gauche dans les grandes villes, la droite dans la ville moyenne, mais en tout cas, en gros, les partis traditionnels comme LR et le PS restent les partis ultra dominants au niveau local. Hein. Bon, il y a eu des mouvements, il y a eu, je sais pas, par exemple, le PS a perdu un certain nombre de villes, j'ai cité Clermont-Ferrand, Brest, mais il en a gagné d'autres, il a gagné... par exemple Saint-Étienne, etc., etc. Bon, la droite a globalement conservé ses positions, surtout dans les villes moyennes. Hein. Quand on regarde, c'est frappant. Hein, quand on regarde les grandes villes aujourd'hui, il y a pas beaucoup, il y a presque plus aucune grande ville qui est de droite. Hein, Reims, Nice, mais en fait les grandes villes. Il y a Bordeaux. Il y a Bordeaux effectivement qui a rebasculé à droite, voilà. Mais en fait, voilà. Et alors, après, bon, il y a aussi d'autres enseignements de ce scrutin. C'est la percée de la France insoumise, hein, qui gagne à peu près 1000 élus, 10 communes, des communes importantes. Hein, Saint-Denis, la première ville de Seine-Saint-Denis, donc 150 000 habitants, c'est une ville importante. Avec en plus la victoire d'un maire noir avec une figure tout à fait intéressante et donc qui est dont on a entendu beaucoup parler, hein, Bagui Bagayoko. Roubaix, deuxième ville du département, 100 000 habitants, donc ça c'est aussi très important, hein, ça va être très important à scruter ce qui va se passer à Roubaix dans les années qui viennent, avec David Guiraud qui compte faire de cette ville un laboratoire. Mais il y a aussi d'autres villes, hein, qui ont été conquises par la France insoumise, Creil, des villes de la banlieue lyonnaise, voilà. Donc à peu près une dizaine de villes. Bon, ça reste quand même modeste et ça reste, attention, hein, déjà ces villes ont été conquises sur la gauche, sauf à Roubaix. Donc ça c'est assez intéressant. Hein. C'est pas des villes qui ont été conquises sur la droite, mais qui ont été prises au Parti socialiste notamment, sauf Roubaix effectivement. Il y a une deuxième liste de gauche d'ailleurs. Voilà. Et alors ensuite l'autre enseignement, et moi ça me touche tout particulièrement parce que je suis issu de ce territoire-là, c'est la poussée du Rassemblement National, donc qui aujourd'hui gère 70 villes, ils en géraient 15, et tout particulièrement, et bon ça moi ça m'interpelle énormément. J'ai des étudiants là qui travaillent là-dessus dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Le Front National gère désormais 14 villes. Il gérait Hénin-Beaumont et Bruay en Artois. Là, très clairement, c'est une razzia, hein, que le RN a fait. Liévin, Oigny, Billy-Montigny, Arne, Drocourt, des villes importantes. Hein. Liévin, c'est 25 000 habitants, un fief socialiste. Bon, et là, très clairement, il y a un maillage qui s'organise dans le bassin minier. Qui est très impressionnant. Bon, on pourra en parler si vous voulez. Hein. C'est assez emblématique de et ça c'est très très inquiétant parce que le Front National est en train de, déjà quand il a des villes il les conserve et il est en train de tisser sa toile. Alors et attention, hein, il faut pas simplement prendre en compte le nombre de villes gagnées par le RN. Il faut prendre en compte aussi la progression du RN dans beaucoup de villes. Ils ont pas réussi à gagner, mais je sais pas, par exemple des villes aussi différentes que Marseille. Hein, Marseille quand même 30% le RN. Personne n'aurait pensé que le RN à ce niveau-là. Mais une autre ville plus proche de nous. Vraiment assez incroyable, c'est Douai, ville plutôt bourgeoise de droite, qui a failli basculer dans les mains du RN. Voilà, donc tout à l'heure vous posiez la question des élections municipales, qu'est-ce que ça nous indique en fait en termes de tendance pour les élections présidentielles. Là, il y a vraiment incontestablement, alors évidemment plutôt dans les territoires ruraux hors des métropoles, mais il y a une poussée du RN et une implantation du RN, une banalisation, une notabilisation du RN. Hein, il y avait un tiers des députés RN qui s'étaient présentés aux élections municipales. Alors il y a des contre-performances, Toulon, etc. Mais quand même, c'est une force politique qui commence aujourd'hui à s'implanter localement, alors qu'elle était très faible à ce niveau-là. Justement, dans les villes qui étaient depuis longtemps au RN, il y a eu quand même quelques retournements, ce qui montre que la politique du RN municipal n'a pas satisfait les électeurs, non ? Ben, pas beaucoup, hein. Par Villers-Cotterêts, c'est la seule ville sortante qui a été battue. Sinon, ils ont conservé toute leur ville. Faut être à Hénin-Beaumont et Brué. Les maires sont élus au premier tour avec plus de 70% des voix. Bon, d'ailleurs, il faut affronter très souvent. Qu'est-ce qui se passe, hein ? Ces maires, en fait, mènent des politiques assez modéré, hein, très très attaché à la propreté, à la sécurité, aux finances publiques. Alors évidemment, ils mènent des politiques en matière culturelle et de subventions associatives très clairement d'extrême droite. Hein, bon, je sais pas, par exemple, on prend l'escapade établissement culturel Hénin-Beaumont qui était fermé. Bon, alors et là on voit d'ailleurs ce qui se passe. Hein, je sais pas si vous avez vu, mais à Carcassonne, il y a une espèce de leader RN là qui est une espèce de Trump local qui supprime les subventions aux associations de gauche qui retirent aux syndicats leurs locaux qui un arrêt anti-mendicité. Donc voilà, et le maire de Liévin qui avait envisagé de supprimer la cérémonie du 1er mai. Bon voilà, en même temps la perception des électeurs, c'est que globalement ils sont assez bons gestionnaires, voilà. Donc et ils font pas n'importe quoi comme ils pouvaient le faire dans les années 90 à Toulon, etc. Ils ont des politiques ils sont plus subtils. Je sais pas, par exemple l'escapade Hénin-Beaumont, ils l'ont pas fait tout de suite. Ils attendent un peu et puis en loose day ils vont supprimer la subvention à un établissement culturel. Voilà. Donc 10 ans pour qu'il fasse tomber. Hein, ouais. Voilà. Donc, bon, mais au bout du compte, il mène quand même des politiques d'extrême droite au niveau local dans sous bien des aspects. Une question de Didier. Oui, pour rester dans le Pas-de-Calais, donc c'est quand même, si je ne m'abuse, c'est 12 députés sur 14, je crois. Hein, ouais. C'est quand même une situation pas seulement municipale. Bien sûr. Mais bon, on parle souvent de bon, essayer le Rassemblement national et puis après on n'y revient plus. Or là, on s'aperçoit à Brué ou à Hénin qui, non seulement ils sont reconduits, mais ils améliorent leur score. Ils progressent. Bon, vous l'avez expliqué un petit peu, mais est-ce que c'est pas des résurgences du clientélisme, d'un espèce de socialisme municipal ? Est-ce qu'on peut pas dire ça ? Bah, en fait, ils font les mêmes méthodes, ils adoptent les mêmes méthodes que les socialistes en leur temps. Hein, c'est-à-dire, bon, qui sont pas d'ailleurs des méthodes, bon, qui sont des méthodes assez classiques. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on soigne les vieux, on fait des banquets. On est proche de la population. Et puis on fait du quadrillage en fait. C'est-à-dire que c'est en fait ce qui caractérise ces maires, c'est leur très grande proximité avec les habitants, hein, très clairement. Hein. Les maires sont populaires, du coup. Ils ont acquis un sens politique ils savent gérer maintenant, voilà. Donc et ils utilisent donc c'est important, hein, parce que ça banalise quand même l'extrême droite aujourd'hui, le fait d'avoir des élus locaux, etc. Ça montre que c'est une force politique comme les autres. Hein, ce qui était quand même un obstacle à la progression du RN, et donc du coup, hein, ça participe à la légitimation en fait du RN dans les territoires, et donc du coup, faut pas s'étonner ensuite que finalement les gens trouvent tout à fait normal de voter pour un candidat d'extrême droite. Donc c'est une dynamique par le bas de l'extrême droite qu'il faut pas du tout négliger. Alors, complètement un pas de côté, il y a aussi les listes citoyennes. Oui. On en a deux exemples ici, avec Morgane et René, qui ont fait partie des listes citoyennes. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, sociologue ? Moi, ça fait un peu... C'était pas exactement une liste citoyenne, hein, mais je sais pas qui commence, du coup, mais... Ouais. Enfin, alors, c'est un phénomène qu'on avait vu... alors, c'est pas un phénomène nouveau. Il y a toujours eu beaucoup de listes citoyennes au niveau local parce que les partis politiques souvent sont faibles, parce qu'en plus au niveau local il y a en fait cette idée que il faut donner de l'importance à la société civile. Bon, donc Mais c'est vrai que maintenant, on les labellise comme ça beaucoup plus. Il y a un label liste citoyenne. Bon, par ailleurs, il y a une association qui s'appelle Fréquence Commune qui fédère en fait ces associations. Donc moi, j'ai consacré un ouvrage avec aux listes citoyennes en 2020 avec mes collègues Guillaume Gourgue, Jessica Sinti, Myriam Bachir. Hein, donc et le grand spécialiste, c'est mon collègue Guillaume Gourgue qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Il y a eu à peu près 800 listes citoyennes en France. Alors souvent c'est des listes de gauche quand même, hein, c'est-à-dire qu'en fait c'est des listes citoyennes de gauche. Il peut y avoir des listes citoyennes de droite, mais il y en a pas beaucoup. Et très très souvent c'est aussi des listes, c'est un peu ambigu parce qu'il y a quand même des partis politiques en fait, hein, c'est-à-dire que les partis politiques, ils sont tellement faibles les partis politiques qu'ils peuvent plus constituer des listes tout seuls. Hein, faut quand même le dire, hein, les partis politiques aujourd'hui ils ont une capacité beaucoup plus faible que par le passer à présenter des listes. Donc ils ont besoin de citoyens. Bon, par ailleurs, ces listes citoyennes, elles mettent en avant aussi une nouvelle manière de faire de la politique, plus centrée, plus collégiale, plus centrée sur la démocratie participative. Bon, voilà. J'ai pas vu le nombre de listes qui ont été reconduites, mais moi j'ai participé à pas mal de rencontres de listes citoyennes. C'est quand même très compliqué les listes citoyennes parce que ce qu'elle propose en fait en termes de manière de gouverner, c'est très très compliqué quand même. Hein. Faut pas se leurrer, donner la parole aux gens et donner tout le temps la parole aux gens. Ça prend du temps, parfois ça marche pas parce que les gens sont pas d'accord. Ça donne du pouvoir aux oppositions, hein, faut être clair. Et par ailleurs, hein, c'est ce qu'on avait vu à la commune de Saillant, hein, qui avait dans la Drôme, qui avait été battue en 2020. Bah, il y a des gens qui du coup sont pas du tout d'accord et qui se mobilisent contre les listes citoyennes. Bon, donc voilà. Par ailleurs, peut-être une incise, mais ce qui m'a beaucoup frappé dans ces élections municipales, c'est qu'on a beaucoup moins parlé de démocratie participative que dans les scrutins précédents. Hein, il y avait cette idée, voilà, que le niveau local, on faisait de la politique autrement. Et en fait, ça c'est un peu inquiétant. Alors, c'est lié au fait que souvent les élus ne font pas vraiment de la démocratie participative et dévoient cette belle idée de démocratie participative, évidemment. Mais il y a aussi parfois une forme d'apathie, de résignation qui se développe localement. Oui. Ok, non, quelque chose à dire les... Ben oui, ben, nous j'ai un exemple, c'est à Lambersart. Ouais. Donc on avait déjà une liste citoyenne qui existait depuis plusieurs années, enfin plusieurs mandats même. C'était Lambersart social, écologique et solidaire. Mais il se trouve que pour 2026, il y a eu une scission au sein de la liste. Donc il y a eu une première liste de gauche, c'est Lambersart en commun, mais qui s'appuyait plus sur les partis, donc on peut plus vraiment parler de liste citoyenne, bien qu'il y ait aussi des citoyens engagés. Et le LASES, alors qu'il avait un peu changé de nom, c'est Lambersart pour un avenir social, écologique et solidaire, qui est regroupé quand même quelques partis comme LFI, le NPA, Génération S, etc. Mais qui s'appuyait principalement sur les engagements des citoyens et citoyennes. C'était la seule liste aussi menée par une femme et où on privilégiait le collectif par rapport à, veut dire, le... La personnalisation. Voilà, c'est ça. C'est un peu effectivement ce que tu dis. Il y a des bouts de LFI, des bouts de... Voilà. C'est ça. C'est ça. En fait, très très souvent. Et puis après, faut être clair aussi. Hein, les listes citoyennes ont besoin aussi des partis souvent pour avoir des prêts en fait. Ah oui. Il y a des raisons financières aussi. Ouais. Les banques, elles prêtent pas aux listes citoyennes s'il n'y a pas des labels de partis. Donc en fait, voilà, c'est des listes en fait mi-citoyennes, mi-partisanes. Bon, avec quand même cette idée que les partis politiques sont tellement détestés que il vaut mieux pas mettre en avant trop les étiquettes et que c'est mieux pour une liste apparaître comme citoyenne. Oui. Alors, voilà. En plus, dans les municipalités où elles sont passées, les listes citoyennes ont vu un nombre de votants plutôt important. Oui, effectivement. Hein, globalement, ça a progressé. Alors, même si, attention, hein, ça reste quand même très minoritaire, quoi. Hein, Bien sûr. Mais effectivement, c'est intéressant. On observe ça très clairement plutôt dans les villes moyennes, en fait. Hein, les villes moyennes, autour des strates de villes, 10 000, 20 000 habitants. Il y a pas mal de listes citoyennes. J'aurais passé quand même à la métropole lilloise, mais remarque René Unier. Oui. Je crois que c'est 159 listes citoyennes d'élus, c'est ça. Oui, c'est 159. Ça. Alors, sur la métropole de Lille, donc, on a eu quand même, on a bien parlé déjà de David Guéraud, et puis il y a quand même eu Lille qui s'est trouvée dans une situation particulière, dans la mesure où le principal opposant à la municipalité de Lille pendant 6 ans, ça a été Bali. Qui a rejoint contre toute attente. Oula, faut être naïf. La liste du Parti socialiste, Delan est avec Génération, le Parti communiste, je sais plus quel, le radical peut-être, si ça existe encore. Et donc ralliement, pas de dernière minute, mais je sais pas comment le dire. Comment tu perçois ça? Alors, moi, j'ai pas du tout été surpris. Hein. Moi, franchement, je ne croyais pas du tout à connaissant Stéphane Bailly, qui est quand même plutôt un modéré. Hein. C'est pas du tout un ELV. Il est pas l'aile gauche du tout de ELV. Hein. Donc, c'est un gestionnaire aussi. Il est très attaché en fait à la. Il incarne aussi une écologie un peu technicienne. Personnellement, je n'ai jamais cru à ce qu'il fasse alliance et qu'elle est fille. Alors, par contre, ce qu'il a, j'analyse en fait la. Faut peut-être rappeler aux auditeurs que c'est quand même ce qui s'est passé. D'abord, la grande surprise de ces élections municipales à Lille, c'est que on attendait plutôt LFI en troisième position et LFI a fait un énorme score, a gagné 15 000 voix de plus par rapport à 2020. Hein, ils sont passés de 8% à 20. J'ai plus combien ils ont fait, mais 23%. Donc ils ont fait une énorme progression. Hein, et donc en fait, ils ont largement dépassé Stéphane Bailly qui a fait 17%. Hein, oui, la dernière fois, il était proche du PS. Donc ça, en fait, ça a pas mal bouleversé les cartes. Je pense que la plupart on s'attendait plutôt à PS vers LFI. Donc c'est pas ça qui s'est passé. Et du coup, ça a bouleversé un petit peu les conditions de la négociation parce que les LFI a proposé beaucoup beaucoup de choses aux écologistes. Le formidable paradoxe de ces élections municipales, c'est que la force politique charnière, ça a été les écolos qui sont en troisième place, et les écologistes ont obtenu énormément de places, de concessions, parce que en fait, ils étaient arrivés troisième et qu'ils étaient indispensables. Donc, dans les deux cas, ce que leur proposaient le PS et LFI, c'était très au-delà du score qu'ils avaient fait. Bon, et en plus, LFI, très clairement, qui voulait accrocher, là, ça aurait été pour LFI obtenir Lille, ce qui est pas totalement illogique, hein, ils ont quand même les deux députés de la ville sont insoumis. Et donc ils ont proposé beaucoup de postes, de mandats, mais aussi de programmatiquement de ils ont proposé et donc les Verts ont été tiraillés parce que bon, et comme en plus ils avaient beaucoup critiqué le PS pendant la campagne et pendant le mandat, et donc ils étaient divisés au sein de leur équipe et ils ont fait un vote au sein de leur équipe, et le vote à une voix près était plutôt favorable à une alliance avec LFI. Et donc Stéphane Bailly a décidé en fait de ne pas en tant que tête de liste de privilégier l'alliance avec le PS. Moi, ce que j'analyse, c'est assez intéressant, c'est d'abord, je pense que il a fait le calcul que la liste socialiste aurait gagné au deuxième tour. Voilà, donc faut quand même, il y a un élément très très important, hein. Arnaud Deslandes a été largement élu à Lille grâce aux voix de droite au deuxième tour. C'est-à-dire, en fait, les voix de droite se sont largement reportées. Même d'ailleurs, hein, la contre-performance de Violette Spielboot au premier tour s'explique par le fait que beaucoup, beaucoup d'électeurs d'En Marche ont voté socialiste dès le premier tour. Et très clairement, face à la menace d'LFI au deuxième tour, ont voté pour les socialistes. Hein. Donc attention, il y a un électorat de droite très pragmatique qui vote contre LFI au deuxième tour ou pour le candidat de gauche le plus modéré. Donc Stéphane Bailly a fait le calcul que valait mieux faire alliance avec le PS plutôt que d'être dans l'opposition. Hein, d'ailleurs, au passage, hein, Martine Aubry a conseillé à Arnaud Deslandes de partir tout seul au deuxième tour. Hein, donc Arnaud Deslandes a résisté à Martine Aubry qui voulait qu'il n'y ait pas d'alliance en fait avec les écologistes. Donc ça, c'est le premier calcul de Stéphane Bailly. Après, le deuxième calcul, alors ça, c'est peut-être un peu plus... c'est ma connaissance des insoumis locaux qui me fait dire ça. C'est que je pense que faut bien voir que les insoumis à Lille sont très différents des insoumis à Roubaix, hein, par exemple. Ils sont beaucoup plus intéressés à Roubaix, ils sont beaucoup plus intéressés par les questions municipales et préparés à ces questions-là qu'à Lille. Hein, David Guiraud, il est très très peu représentatif du rapport que LFI a aux questions locales. Lui, il est passionné par ces questions-là. Alors qu'à Lille, les cadres insoumis, ça les intéresse pas beaucoup. Et à Roubaix, son entourage est très, très branché, populaire. Et très branché municipalisme, etc. Municipalisme. Et en fait, Stéphane Bailly s'est dit, je ne fais pas trop, j'ai pas envie de gouverner avec des gens qui finalement vont pas être très, très investis dans les, et qui n'étaient pas très préparés, en fait, à l'exercice des fonctions municipales. Sont voilà. Dans le vide, il l'a utilisé comme expression. Oui, oui, oui. Et donc, pour moi, c'est cette hypothèse-là. Alors, en tout cas, ça risque d'avoir des conséquences parce que là, d'ailleurs, les Verts ont quand même obtenu beaucoup de choses dans l'alliance avec les socialistes. Hein. Faut être clair, ils étaient en position de force. Ils ont obtenu beaucoup de choses dans en termes de contrats de majorité. Ils ont obtenu beaucoup d'adjoints, des conseils communautaires, etc. Mais attention, hein, le groupe écologiste est fragile. Hein, fragile parce qu'il y a eu des très fortes dissensions. Et est-ce que cette majorité municipale va tenir dans le temps? Est-ce que les socialistes vont accepter une nouvelle pratique du pouvoir, hein? Parce que là, en fait, en gros, ils ont des écologistes qui ont beaucoup de pouvoir dans l'équipe. Ils n'ont pas trop l'habitude de partager le pouvoir, les socialistes à Lille. Donc la question, ça va être assez intéressant de voir l'évolution de cette majorité au cours du mandat. Oui, ce sera intéressant aussi de voir, puisque dans la métropole européenne, les Verts ne sont pas dans la majorité. Exactement. Alors, je voudrais passer au dernier point quand même, puisque le... Juste un point sur Roubaix, par exemple, j'avais assisté au meeting de Jean-Luc Mélenchon en février à Roubaix, donc où il avait l'air de conditionner la victoire à Roubaix à l'avenir, quoi, à une victoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un laboratoire LFI maintenant, Roubaix? Bah, alors, on va voir. Deux minutes, pas plus. Ouais, en fait, ça va être très compliqué à Roubaix parce que David Guiraud a suscité d'énormes attentes. Et est-ce qu'il va avoir les moyens de les satisfaire? C'est une ville où il y a des gros problèmes d'administration, des problèmes de budgétaires. En plus, il n'a pas l'argent de la mêle. Donc voilà, je lui donnerai le conseil. C'est pragmatique, c'est d'être assez, ça va pas être facile, hein, parce que il va pas faire la révolution. On peut pas faire la révolution à partir d'une ville, c'est pas possible. Donc il va changer beaucoup de choses. Il est très très dynamique, très très volontariste. Mais le risque, hein, c'est de susciter de la déception et que les gens pensent que la ville va changer. Les maires n'ont pas les moyens de lutter contre la pauvreté dans leur ville, par exemple. Hein. Ça, et globalement, en plus, David Guiraud a fait une campagne, attention, assez pragmatique. Hein. Ouais. Sur la police, il est pour l'armement. Ouais. Il a peu mis en avant l'étiquette LFI au niveau de sa ville. Il a plein d'adjoints, anciens socialistes, écologistes dans son équipe. Bon, après, David Guiraud, c'est un redoutable, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sens politique, donc ça va être très intéressant d'étudier sa ville. Entendu, on va passer à la troisième partie, et je vais commencer par dire cette phrase que j'ai trouvée quelque part. Le politologue Rémi Lefebvre, dans la perspective de la future présidentielle, estime que Jean-Luc Mélenchon reste le meilleur candidat de gauche au premier tour grâce à sa stratégie du socle, on pourra peut-être revenir, mais reste circonspect sur la réussite de cette stratégie au second tour. Tu te reconnais là-dedans, j'imagine. Ah bah oui. C'était un soir où Laura Adler, en regardant la caméra, a dit « Je me demande si Jean-Luc Mélenchon est de gauche ». Ah, ça par contre, je... Non, mais laisse tomber. je ne pense pas que ça soit une remarque très, très fondée. Oui, bah en fait, et depuis, je dirais que depuis cette émission, alors je sais pas, au moins sur le premier point, on voit très très bien que, pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon écrase le match à gauche. Hein, c'est très très clair. Hein, il est bon. Alors, faut faire très attention aux sondages, mais il y a déjà une poussée dans les sondages. Il est déjà à 16, alors qu'il a tendance à être sous-évalué par les sondeurs. Donc, il est déjà à 16, alors qu'on est à un an de l'élection présidentielle, et on sait très très bien la capacité de propulsion de LFI. Bon, mais je vais te dire des banalités. Jean-Luc Mélenchon est remarquable en campagne. Il est très bon dans les débats. LFI, en plus, c'est une machine électorale qui s'est considérablement renforcé depuis 2002. Et la gauche qu'on qualifie maintenant de non-mélenchoniste est quasiment aux abonnés absents. Elle est totalement divisée, inaudible, a aucune idée. Elle joue la carte de Glucksmann. Je crois absolument pas qu'il puisse faire quoi que ce soit. Donc il y a un boulevard, en fait. Il y a un boulevard à gauche Déjà autour du SOC des LFI et puis la capacité de aussi de Jean-Luc Mélenchon à aspirer le vote utile à gauche, il est fort. Même si attention, hein, le vote utile. En fait, cette élection présidentielle, la question. Alors, on va voir peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, l'enjeu de l'élection présidentielle, c'est qui sera face à l'extrême droite au deuxième tour. Enfin, c'est ça en fait l'enjeu. Bon, et donc. Comme cet enjeu-là, il est important, il risque d'y avoir pour Mélenchon une ombre portée de son score de second tour sur le premier. Je m'explique. C'est-à-dire, en fait, ce qui va se passer pendant la campagne, c'est que les sondages, plus on va aller faire l'élection, si se confirme, et j'ai du mal à croire à une autre hypothèse, la présence de l'extrême droite au deuxième tour, quel que soit le candidat, la question de qui peut battre, la question de cette élection présidentielle, c'est qui peut battre l'extrême droite au deuxième tour. Ouais. Bon. Et là-dessus, autant Jean-Luc Mélenchon est un très bon candidat de premier tour, je maintiens que ça reste à ce stade un très mauvais candidat de deuxième tour. Hein. Bon, je sais bien que ça fait pas plaisir aux insoumis de dire ça et qu'ils sont dans le déni, mais aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, il est détesté, il est repoussoir, c'est pas un jugement de valeur, hein, ce que je dis, c'est un jugement de fait. Et d'ailleurs, il y a une forme d'hypocrisie parce que moi j'ai beaucoup de contacts à LFI, ils le savent très très bien quand ils sortent en fait des quartiers où ils sont forts, ils voient très bien l'immense rejet dont fait l'objet Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui, il faut être clair, et bon, les médias ont contribué à ça, à cette diabolisation, mais Jean-Luc Mélenchon aussi, en partie par ses déclarations, son style rugueux, etc. Deuxième tour, sa capacité quand même à battre l'extrême droite, moi je n'y crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, la bourgeoisie, elle préfère... la bourgeoisie préférera l'extrême droite à Jean-Luc Mélenchon, qui fait plus peur, surtout que la bourgeoisie, elle pense que le RN ne va pas remettre en cause fondamentalement ses intérêts, et elle a pas tort. Et par ailleurs, attention, hein, quand on regarde en fait les sondages, les rapports de force politique, on a un niveau de l'extrême droite, même au premier tour, qui est stupéfiant. Hein. Si vous additionnez, le RN, Zemmour, qui est quand même donné à 5-6%, Dupont-Aignan et Retailleau, c'est-à-dire pour moi la droite extrême, on est à quasiment à 48%. Hein. Donc, en fait, même si globalement une partie importante des électeurs de gauche modérés, voire même des centristes, vote Mélenchon au deuxième tour, comme ça paraît impossible qu'il gagne. Enfin, voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Le RN peut baisser, si Bardella est candidat. On voit très bien que Jean-Luc Mélenchon est en train de se recentrer. Hein, il essaie de jouer l'apaisement. Mais voilà, je suis un peu sceptique. Et malheureusement, ça risque d'être terrible pour la gauche. Parce que beaucoup d'électeurs risquent de se dire, mais est-ce qu'on vote pour le candidat Mélenchon au premier tour, sachant que ça peut être la condition de la victoire de l'extrême droite au deuxième tour? Vous imaginez le dilemme que beaucoup d'électeurs de gauche vont avoir en tête? Mais ce dilemme, il existait en 2017. C'était Macron ou l'extrême droite. Enfin, c'est exactement pareil. Oui, mais la capacité de l'extrême droite à gagner à l'époque était très faible. Personne ne pensait que l'extrême droite... Oui, mais c'est ça qui change tout, en fait. Mais ce sort toujours trop vaut au deuxième tour. Oui, je suis d'accord. Mais sauf que les choses... Mais avec un niveau beaucoup plus faible, 10 points de moins, à peu près... Hein, et aujourd'hui, en fait, ce qui change vraiment la donne, c'est quand même que aujourd'hui, la perspective d'une victoire de l'extrême droite, elle est tout à fait réaliste. René. Oui, tout à fait. Bah, c'est la question qu'on voulait poser, comment évaluer cette menace de l'extrême droite pour les présidentielles, d'autant plus qu'il y a quand même pas mal d'inquiétudes au niveau de journalistes, de sociologues, de chercheurs, notamment Salomé Sacquet qui a sorti un livre « Résister », parce qu'elle reçoit aussi des messages de menaces, etc. Y a Hugo Paletta qui a sorti plusieurs livres sur la possibilité du fascisme en France, etc. Y a Johan Chapoutot, spécialiste du nazisme. Aussi, oui. Qui pointe la responsabilité de l'extrême centre. Hein. Oui, bien sûr. Qui a en symétrisant l'extrême droite et ce qui est maintenant qualifié institutionnellement d'extrême gauche, puisque c'est le label du ministère de l'Intérieur, effectivement contribue en fait à renvoyer deux ados et à polariser. Je sais pas. Moi, je suis très très inquiet. Je pense que il est évident, chacun le mesure, que les idées d'extrême droite se banalisent, que en fait l'extrême droite a aussi une capacité, je l'ai écrit il y a pas longtemps dans une tribune dans Le Monde, quand on regarde son électorat, c'est ça qui est très très frappant, c'est que c'est le seul parti interclassiste aujourd'hui. C'est-à-dire oui. qu'en fait, la plupart des autres partis ont un électorat assez ciblé. L'extrême droite, c'est une partie des milieux populaires, celles qui votent, les classes moyennes déclassées, des fonctionnaires qui votent de plus en plus, les fonctionnaires cadrissés, ils votent à 35% pour le RN. C'est un cinquième des profs, incroyable. C'est du rural. C'est donc en fait et par ailleurs, moi, ce qui est très très frappant, c'est que c'est le non seulement c'est un électorat, ça peut paraître très paradoxal, très composite, mais très consolidé aussi. C'est-à-dire que c'est un électorat qui est très très peu susceptible de il n'est pas volatile. Les autres électeurs sont volatiles, mais pas les électeurs du RN. Les électeurs du RN, ils votent RN pour plein de raisons différentes, pour des raisons d'ailleurs parfois objectivement tout à fait opposées. Hein. Les intérêts sociaux des électeurs bourgeois du RN et des électeurs de Nimbaumont, Drocourt ou Arne sont objectivement totalement orthogonaux. Mais justement, d'où ma thèse, on en discutait hors micro, c'est que a priori ça risque d'être un piège pour le RN. Ah bah oui, mais... Ah ben bah, oui mais il faut qu'ils exercent. Comment concilier? Ah ouais mais bon alors ça c'est le coup d'après hein. C'est-à-dire qu'en fait le fait qu'ils soient pas au pouvoir ça rend ces contradictions. Mais regardez quand même, moi ce qui me frappe quand même, c'est à quel point le discours de l'extrême droite est devenu de plus en plus à droite sur le plan libéral, sur le plan économique. Tout à fait. Alors avant il y avait une forme d'ambiguïté. Là concrètement, sur la taxe Zuckerman, regardez le rapport au MEDEF, etc. Et en fait, hein, ce qu'on sait, c'est que ils ont un électorat populaire tellement captif qu'ils peuvent se permettre de droitiser leur discours pour aller chercher un électorat de droite modéré. Donc en fait le drame, c'est ce noyau populaire qui est totalement derrière l'extrême droite et qui est captif et qui permet du coup à l'extrême droite d'aller séduire un électorat de droite plus libéral. Non, c'est un scénario à la Trump, en fait. En fait, ils agrègent toutes les colères, mais je pense que ça sera très compliqué comme Trump, d'ailleurs. On va. Non, mais d'accord, mais après, moi, j'ai pas envie de me projeter dans l'hypothèse à ce moment-là, bon, à ce moment-là, on les laisse exercer le pouvoir et se vautrer, mais bon. Malheureusement, je crains que ça se. Ce sont des risques qu'on n'a pas l'intention de prendre du tout. Et on va terminer là-dessus, Rémi. Merci, d'avoir livré tes analyses. Tu rappelles le titre de ton bouquin. Il sort à la rentrée, mais ça s'appelle Faire partie autrement. Faire partie autrement, voilà. Chers auditeurs, vous pouvez vous renseigner et commander ce bouquin, c'est dès la rentrée de septembre. Merci Rémi encore une fois et je vous souhaite à tous un bon week-end. Salut. Au revoir. Salut. Mission pas terminée. Il y a Allez, je vais vous laisser parce que je fais la fête des mères avec ma mère. 50 berges, sans être en sang ni en salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Bon week-end. Bon week-end, je te raccompagne. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches. En doigts de scotch et en jean fils, et tout le reste, je m'en fiche. Ils ont voté, puis après. J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche. Ils n'ont même plus de cul, les Français. Ils ont voté, non, puis je préfère après, avant les pôles locales, alors. C'est ton pays qui me débecte. Ouais. Pas avant moyen de se locales. Faire anglais. Avant les activités locales. Ou bien insectes. Partout, ils sont confédérés. Voilà. Faut les voir à la télé urne avec le général Frappard et leur bulletin dans les burnes et le mépris dans un placard. Ils Ils ont voté, puis après, dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé. C'était bien entendu une chanson de Léo Ferré que les plus de 60 ans ont pu reconnaître. Une chanson à contre-courant contre tous celles qui parlent de l'abstention dramatique en France. Ils ont voté et puis accroché. Voilà, c'était interprété par Cali. Eh bien, on va passer aux actualités d'attaque avec un certain René. Oui, voilà. Donc, les actualités d'attaque au plan national. Alors, en date du jeudi 21 mai, nous ne sommes pas financés par le Venezuela. Attaque porte plainte suite à la publication du livre de Frédéric Martel. Dans son dernier livre, Occident, enquête sur nos ennemis, Frédéric Martel écrit que le Venezuela d'Hugo Chavez aurait régulièrement soutenu financièrement Attaque et les forums sociaux dans le but de renforcer leurs actions, de diffuser leurs discours à l'échelle mondiale et de consolider un réseau international anti-américain. Des accusations réitérées à l'occasion de la tournée médiatique de sortie de son livre. Il écrit également, selon trois anciens collaborateurs d'Attaque et du monde diplomatique, la Chine aurait elle-même réussi à infiltrer et à financer le mouvement altermondialiste. On a des yuan dans la trésorerie d'Attaque, effectivement. Oui, ces allégations s'inscrivent dans une offensive plus large visant à délégitimer les mouvements sociaux et écologistes et à justifier leur répression. Les affirmations de M. Martel sont totalement grotesques, infondées et mensongères. C'est pourquoi nous portons plainte pour diffamation. Depuis trois ans, Attaque a été la cible de répressions diverses, tantôt associées à des groupuscules violents, voire éco-terroristes, ou encore à des mouvements islamistes. Notre association est désormais désignée comme ennemie de l'intérieur. Alors, qui est Frédéric Martel? C'est un écrivain, sociologue, politologue et journaliste, chercheur à l'Institut des hautes études sociales et depuis 2020 professeur en économie créative à l'Université de Zurich. Au plan politique, il se revendique comme appartenant à la deuxième gauche. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sociologiques, notamment sur le mouvement LGBT, sur l'homosexualité au sein de l'Église, et son dernier livre, donc « Occident, enquête sur nos ennemis », source justement de la polémique. Ok. Alors, jeudi 7 mai 2026, soutient la flottille de la liberté pour Gaza. La campagne française Flottille de la liberté pour Gaza, qui réunit 35 organisations de la société civile, n'a pas pu poursuivre la navigation de ses deux bateaux vers Gaza. L'escalade des offensives israéliennes dans la région ont fait de la Méditerranée orientale un espace fortement militarisé, réduisant les marges d'action directe des initiatives civiles. Dans ce contexte, nous avons fait le choix, certes difficile, de suspendre cette navigation, mais notre volonté de solidarité internationaliste reste intacte. Comme nous en avions informé au cours de l'émission précédente, la flottille internationale a été victime d'une attaque de l'armée israélienne dans la nuit du 29 au 30 avril. 22 des 58 bateaux avaient été pris d'assaut. Pour information, la flottille internationale Global Sumud Flotilla, qui avait fait le choix de continuer vers Gaza, a subi une nouvelle attaque de l'armée israélienne le 18 mai au large de Chypre. Les 428 personnes kidnappées ont été libérées sous la pression de la mobilisation internationale. Mais entre-temps, des actes d'humiliation, des violences et des pratiques s'apparentant à de la torture ont été commis sur les détenus pour les briser physiquement et psychologiquement, mais aussi pour envoyer un message au monde. Mardi 26 mai 2026. Oui. Alors, eh bien, oui, c'est un communiqué non à l'accord global et commercial modernisé entre l'Union européenne et le Mexique. Plus de 70 associations et syndicats, dont ATAC France, adressent une lettre aux responsables politiques du Mexique et de l'Union européenne pour s'opposer au traité de libre-échange modernisé. L'accord global comprend un volet sur la protection des investissements qui prévoit le recours à l'arbitrage investisseur-État, de sinistre mémoire. Il promeut un modèle extractif pour sans renforcer la production locale. Il affaiblit la production agricole mexicaine. Il permettra aux entreprises européennes de délocaliser plus facilement leur production, au Mexique bien sûr, sans garantir le respect des normes environnementales et de travail. Vas-y. C'est le moment de la presse pas pareille. Alors, la presse pas pareille aujourd'hui, c'est un journal, on ne peut plus respectable, alternative économique, quasiment insulté par le célèbre Philippe Aguillon, invité par le président de la République à revoir les programmes scolaires des classes des sciences économiques et sociales au lycée. Je vous cite un extrait. J'ai refait complètement les programmes des SES, sciences économiques et sociales, parce qu'avant, ils... les élèves, évidemment, lisaient alternative économique. Ouh là là. Et maintenant, on fait de l'économie sérieuse au lycée. En économie, il y a, vous savez, des gens qui voulaient des trucs mondains, on discutait des inégalités, voilà, de ci, de ça. Il a dit ça devant la commission sénatoriale. Vous avez entendu, hein ? Maintenant, on va faire de l'économie sérieuse. Vous avez entendu parler des inégalités ? C'est des trucs mondains. Alors, mais avec leurs trucs mondains, Philippe Aguillon, les mondains d'attaque t'emmerdent, Philippe Aguillon. Toi et ton prix de la Banque de Suède. De Suez. Je précise quand même, Alternative économique est le seul journal économique indépendant en France dont les propriétaires sont les salariés. Via une société coopérative et participative. Je lis Alternative économique depuis une vingtaine d'années. J'ai retrouvé aussi le blog de l'ami Jean Gadret et de feu Michel Husson. Ça se trouve toujours. On va demander au pape 40 de lui coller un doigt d'or dans son prix de Suède à Aguillon. Alors je continue avec les informations d'attaque au plan local. Donc attaque fait son cinéma, donc avec les amis du monde diplomatique, attaque et l'atelier d'histoire critique. On aura le film de l'affaire Abdallah au cinéma Le Méliès à Villeneuve-d'Ascq le mercredi 3 juin à 20h en présence du réalisateur Pierre Carl. Prochaine réunion des trois comités locaux, elle aura lieu le 11 mai à la Mresse. Ensuite, le jeudi 7 mai, c'est un communiqué, donc les associations Parc Saint-Sauveur, Dol Air et Hotmail, avec lesquelles nous sommes en relation, ont édité un communiqué suite aux événements d'élections municipales. Ménager le territoire, chiche Monsieur Bali, maintenant qu'il est premier adjoint et adjoint à l'urbanisme, pour lui rappeler les promesses faites durant la campagne. Et enfin, pour rappel, les émissions d'AngleAttack sont maintenant en podcast via le site Artis, ce qui vous permet d'écouter nos émissions sans limite de temps. Et comme bon vous semble, un vrai plaisir. Exactement. Bien, eh bien, l'émission d'aujourd'hui est terminée, les amis. Nous reste à nous souhaiter à nos auditeurs et auditrices un excellent week-end, chaud, manifestement. Et nous nous retrouvons donc autour du 20 juin avec une émission dont on n'a pas encore le titre. Mais les amis vont carburer parce que je ne serai pas là, les amis vont carburer pour trouver une nouvelle émission de qualité. René. Oui, je proposerais bien une émission sur une nouvelle méthode d'emploi que je connais et qui employait selon cette formule. Et qui avait beaucoup plu à Florent dans l'esprit, cette fait. Émission. Voilà, eh bien voilà, on a un titre, nouvelle méthode d'emploi. Il y a la poêle à 15h aussi. Et là ? La poêle à 15h cet après-midi. Celle-là. D'accord. Bien, ça allait d'elle dire. Chers amis, bon week-end et à mois prochain. Marcher sur les mains après la Saint-Jean, le temps a tué.